الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الامين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام أبخي سوسي مفير مسير أون إسلام أحباب الحبيب محمد المصطفى تخشيخ أبيان نمي محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. في كل سنة مباشرة بعد نهاية رمضان à chaque année et juste après la fin du mois de Ramadan أتكلم في الجمعة التالية عن الحج. J'aborde toujours dans le vendredi qui suit le mois de Ramadan, j'abordais le pèlerinage. وأشجع الناس على القيام بفريضة الحج. Et j'encourageais toujours les gens, les musulmans, à accomplir cette obligation du pèlerinage. ولكن في هذه المرة قد ترددت كثيرا. Mais cette fois-ci, j'ai beaucoup hésité. هل أتكلم عن الحج كالعادة أم لا؟ Dois-je parler cette fois-ci de la même façon du pèlerinage comme d'habitude ou pas؟ والسبب هو مرض انفلونزا الخنازير أو فيروس H1N1. La cause, c'est cette maladie de la grippe porcine ou bien le virus H1N1. فموضوع الحج هذه السنة جد حساس. Cette année, le sujet du pèlerinage est très sensible. ويشكل نقطة خلاف بين المسلمين. Et il constitue un point de divergence entre les musulmans. وبعد تفكير طويل, après une longue réflexion, قررت الكلام عن هذا الموضوع لتحسيس الناس. Après une longue réflexion, j'ai décidé de parler quand même de ce sujet afin de sensibiliser les gens. فَهَذَا ضَوْرُ الْمَسَاجِدِ وَالْأَئِمَّةِ Et c'est bien le rôle des mosquées et des imams. وَأَبْدَأْ بِهَذَا السُّؤَالِ Je commence par cette question. هَلْ نُشَجِّعَ النَّاسِ هَذِهِ السَّنَةِ عَلَى الْحَجِّ كَالْعَادَةِ أَمْ نَفْعَلُ الْعَكْسِ Doit-on cette année encourager, comme d'habitude, les gens à accomplir le pèlerinage? Ou doit-on faire le contraire, ne pas les encourager? Avant de donner la réponse, je rappelle quelques données. Fi 22 يوليوز الماضي اجتمع بالقاهرة وزراء العرب للصحة مع ممثلين للمنظمة العالمية للصحة. Le 22 juillet dernier, il y a eu une rencontre au Caire entre les ministres arabes de la santé et quelques représentants de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. للكلام عن الحج والعمرة في رمضان ومرض انفلونزا الخنازير. Pour aborder le sujet du pèlerinage et de la Omra, le petit pèlerinage ramadanique si vous voulez, et la maladie de la grippe porcine. Et ils ont conclu avec ces recommandations. Empêcher ou interdire aux gens âgés qui dépassent les 65 ans. والأطفال أقل من 12 سنة interdire aussi aux enfants qui ont moins de 12 ans والنساء الحوامل les femmes enceintes والمرضى المزمنين et les malades chroniques مرض السكري ceux qui ont le diabète, al-dhaht, ceux qui ont la tension, al-tanaffus, ceux qui ont l'asthme, ou al-hassasiyya, ou l'allergie, ou amrad al-qalb, ou les maladies cardiovasculaires, ila akhiri, etc. Man'ihim, man'a kull ha'oula, منع كل هؤلاء من القيام بفريضة الحج لهذه السنة. Ça veut dire, ils ont donné les recommandations d'interdire à tous ces gens d'accomplir le pèlerinage pendant cette année. تخوفا من المضاعفات السريعة والخطيرة إذا ما تعرضوا للإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير, de crainte des complications rapides et dangereuses dans le cas où ces gens seront touchés par le virus de la grippe porcine. بعد هذه التوصيات, après ces recommandations, ظهرت سياسات مختلفة ومتباينة عند الدول العربية. Juste après ces recommandations des ministres arabes de la santé, il y a eu l'apparition de plusieurs politiques différentes, divergentes, prises par les pays arabes. مثلا مصر, par exemple l'Égypte, قالت بأنه يمكن في أي وقت أن تتخذ قرارا بمنع الحج للمصريين في هذه السنة. L'Égypte a dit que à tout moment il est possible de prendre la décision, c'est-à-dire au niveau de l'Égypte et des Égyptiens, d'interdire complètement le pèlerinage pour cette année. Tunis منعت العمرة في رمضان. La Tunisie a interdit aux Tunisiens de faire la Umrah pendant le mois dernier de Ramadan. وطلبت من المسلمين التعقل والمسؤولية قبل اتخاذ قرار نهائي يعني للحج وتأجيل الحج للسنة القادمة. Elle a demandé aux musulmans fidèles de faire preuve de raison et de responsabilité avant de prendre une décision définitive concernant le pèlerinage. Elle a recommandé aux fidèles de repousser le pèlerinage à l'année prochaine, c'est-à-dire 2010 et non pas 2009. العراق, سوريا, الأردن, إيران, العراق, la Syrie, la Jordanie, l'Iran, منعوا من الحج والعمرة المسنين والأطفال والنساء الحوامل والمرضى المزمنين. Tous ces pays ont interdit à leurs ressortissants le pèlerinage, la Umra, pour les personnes âgées, pour les enfants, les femmes enceintes et les malades chroniques. بينما دول أخرى لم تتبع توصيات وزارة أو وزراء العرب للصحة. Tandis que d'autres pays n'ont pas suivi les recommandations faites par le sommet des ministres arabes de la santé. فمثلا الجزائر, par exemple l'Algérie, قررت إرسال الأشخاص المسنين للحج. L'Algérie a décidé d'envoyer toujours les personnes âgées au pèlerinage ou bien à la Umra. قائلة بأن أغلبية الحجاج الجزائريين مسنين, en disant que la majorité des pèlerins algériens sont des personnes âgées. وبأن هناك مسنين يتمتعون بصحة جيدة. Elle a dit de la même manière qu'il y a des personnes âgées mais qui jouissent d'une excellente santé. فمنع المسنين يعني منع لوفود الجزائريين. Pour l'Algérie, interdire aux personnes âgées le pèlerinage, ça veut dire interdire aux délégations algériennes le pèlerinage. الخلاف الذي أصاب الدول العربية ظهر كذلك في مواقف علماء المسلمين. La divergence qui a touché les pays arabes a touché de la même manière les avis des grands savants musulmans. فهناك من العلماء من قال بعدم منع الحجاج من الذهاب إلى مكة. اتركوا الناس تمشي للحج. Il y a des savants qui ont dit il faut pas interdire le pèlerinage aux musulmans. Il ne faut pas interdire aux musulmans d'aller à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et ils ont dit, ils ont dit, celui qui va décéder dans la Mecque à cause, comme pèlerin, à cause de cette maladie de la grippe porcine, il va décéder en tant que martyr. D'autres savants ont dit, ارسال الناس إلى الحج مع وجود خطر الوباء. Ils ont dit, envoyer des pèlerins vers la Mecque, en sachant qu'il y a le danger de l'épidémie, هذا يشكل ذنبا أقرب إلى الانتحار من الشهادة. Ils ont dit, envoyer des gens en sachant qu'il y a un danger, ceci constitue un péché qui est plus proche au suicide que du martyr. هذا أقرب للانتحار تقول له انتحر ولا تقول له موت شهيد. مفتي العربية السعودية المفتي دو لارابي سعوديت الشيخ عبد العزيز الشيخ قال الناس الذين يخافون الإصابة بالفيروس il a dit que les gens qui craignent d'être touchés par le virus يمكنهم تأجيل الحج للسنة القادمة. Il leur est possible de repousser leur pèlerinage à l'année prochaine. Mufti Misr, al-Sheikh Ali Jum'a, le mufti de l'Égypte, al-Sheikh Ali Jum'a, qala bi'anna Misr mana'at al-Hajj 30 marra fi at-tarikh. Comme quoi l'Égypte, il a dit comme quoi l'Égypte a interdit dans le passé, dans l'histoire de l'Égypte, à 30 reprises le pèlerinage. Bisabab al-Amrad ou al-Hurub, soit à cause des épidémies, ou à cause des guerres. مثلا مصر منعت الحج سنة 1947. Par exemple, l'Égypte a interdit le pèlerinage aux Égyptiens en l'an 1947 من أجل وباء الكوليرا, à cause de l'épidémie de choléra à l'époque. ثم قال من لم يحترم توصيات وزراء الصحة يرتكب إثما. Par la suite, il a rajouté que celui qui ne respecte pas les recommandations des ministres de la santé commettra un péché, لأن الإسلام يقول بقاعدة, parce que l'islam dit la règle suivante, درء المفاسد مقدم على جنب المنافع, éviter les corruptions, les ravages est prioritaire en islam que la recherche des avantages. وكذلك أيد مجمع الفقه الإسلامي بجدة مواقف علماء مصر والسعودية. De la même manière, l'académie de fiqh islamique qui se trouve à Jeddah a appuyer les avis ou les opinions des savants égyptiens ou saoudiens. بتأجيل أداء الحج والعمرة هذا العام لكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. Ils sont d'accord avec eux pour le fait de dire aux personnes âgées, aux enfants, aux femmes enceintes, aux malades chroniques de repousser leur pèlerinage pour l'année à venir. لأن الإسلام يحرص على حياة البشر. Pour eux, l'islam est venu pour préserver la vie humaine. ويمنع كل ما يضر بالصحة. Et l'islam interdit toute chose qui nuit à la santé. وفي نفس الوقت طالب علماء آخرون من مجمع البحوث الإسلامية. D'autres savants qui font partie de l'Académie des recherches islamiques ont demandé بوجوب إلغاء موسم الحج كلية. Ils ont demandé à annuler complètement la saison de pèlerinage. أو قصره فقط على سكان العربية السعودية, ou de le réduire uniquement aux habitants de l'Arabie Saoudite. أو قصره فقط على سكان مكة, ou le réduire uniquement aux habitants de la Mecque, لتخفيف عدد الحجاج, afin de baisser considérablement le nombre de pèlerins, وحفظ النفس الذي يعد من المقاصد الإسلامية, et afin de préserver l'âme humaine qui est un but en islam. بينما طال علماء آخرون من بينهم الشيخ القرضاوي, tandis que d'autres savants ont dit le contraire, parmi eux se trouve الشيخ القرضاوي, بأنه لا يمكن منع الحج, comme quoi il ne faut pas interdire le pèlerinage, وعلى الحجاج احترام توصيات المختصين بالصحة, et comme quoi les pèlerins doivent respecter à la lettre les recommandations des spécialistes de la santé, من القيام باللقاح مبكرا, par exemple se vacciner tôt, وحمل الأقنعة, et de porter les masques, إلى آخره, etc. في هذه الأجواء, dans ces contextes, وفي نهاية رمضان, et à la fin du mois de Ramadan, قالت السلطات السعودية, les autorités saoudiennes ont dit, بأنه لم تسجل أي وفاة بسبب فيروس H1N1, comme quoi ils n'ont enregistré aucun décès lié à la maladie ou au virus de la grippe H1N1 عند المسلمين الذين قاموا بالعمرة في رمضان. Ils n'ont enregistré aucun décès lié à cette maladie chez les visiteurs qui ont fait la Umra pendant le mois de Ramadan. وقالت بأن كل المرضى من الزائرين عولجوا ووجدوا الشفاء. Et l'Arabie Saoudite a dit comme quoi tous les malades parmi les visiteurs ont été soignés et sont guéris. وبأن الوضع يدعو للطمأنينة يكون كو لا سيتواسيون اي توتالمون راسورونت. ولكن رغم كلام السلطات السعودية mais malgré ces paroles tranquillisantes de l'Arabie Saoudite, أعلنت مصر وفاة امرأة بسبب فيروس H1N1 بعد رجوعها مباشرة من العمرة بعد رمضان. Les autorités égyptiennes ont déclaré le décès d'une femme juste après son retour de la Omra, ça veut dire du Ramadan de la Mecque, à cause de la maladie H1N1. والآن أنهي كلامي بهذه المعطيات. Maintenant, je vais finir ma parole avec ces quelques données. أولا, premièrement, عدد الموتى في العالم بمرض إنفلونزا الخنازير, le nombre de morts dans le monde entier à cause de la grippe porcine, faqa 3200 a dépassé, le nombre de morts a dépassé les 3200 personnes. وفاق في العربية السعودية وحدها 28 شخصا. Et en Arabie Saoudite à elle seule, le nombre de morts à cause de cette maladie a dépassé les 28 personnes depuis le début de l'épidémie. رغم أن عدد الموتى بالمسدس الفرنسي وصل فقط إلى 6, malgré que le nombre de morts dans l'hexagone français n'a pas dépassé les 6 personnes. مع العلم أن سكان السعودية 25 مليون, en sachant que le nombre des habitants de l'Arabie Saoudite est environ de 25 millions. وفرنسا أكثر من 60 مليون نسبة. Et en France, le nombre d'habitants dépasse les 60 millions. بمعنى أن عدد الموتى بهذا المرض في السعودية لا يجب أن يتعدى 3. Ceci signifie que si on fait la proportionnelle, le nombre de morts en Arabie Saoudite ne doit pas dépasser 3 personnes. Si en France il y a 6. إذا كان فرنسا ماتوا 6. في العربية السعودية لا يجب أن يموت أكثر من 3. فإذا وصل 28 فهناك خطر. Dans le cas où le nombre a atteint 28 personnes, c'est-à-dire qu'il y a un danger. Deuxièmement, حسب أهل الاختصاص, قمة المرض ستكون في أواخر نوفمبر. Selon les spécialistes de la virologie, ils ont dit que le pic de la grippe sera atteint en fin de novembre qui vient. أي في زمن الحج, ça veut dire dans la période du pèlerinage. وهذا يعني أنه إذا لم تكن وفيات في العمر فلا يجب أن نفهم أنه لن تكون وفيات في الحج. Ceci signifie s'il n'y avait pas de mort pendant la Omra, le petit pèlerinage qui était dans le mois de Ramadan, ceci ne signifie pas qu'il n'y aura pas de mort pendant le pèlerinage. وذلك بسبب قمة المرض, et ceci à cause du pic de la grippe. ثالثا, troisièmement, بعض الدول تعول على اللقاح ضد فيروس H1N1. Quelques pays musulmans ou autres compte sur le vaccin sur le vaccin qui est contre le virus H1N1 al-masnou min al-tamiflu, qui est fabriqué à partir de la matière qui s'appelle le tamiflu. ولكن ظهر ان هذا اللقاح له تاثيرات جانبيه خطيره. Mais il est apparu maintenant que ce vaccin a des effets secondaires dangereux. أدت في بعض الحالات إلى الموت, qui ont causé dans quelques cas le décès de quelques-uns en Angleterre. فمثلا 65% من الفرنسيين حسب استطلاع الرأي لهذا الأسبوع قالوا أنهم لن يقوموا بهذا اللقاح خوفا من تأثيراته السلبية الخطيرة. Pendant cette semaine, il y a eu en France un sondage et les Français à 65% disent qu'ils ne vont pas se faire vacciner par ce vaccin de Tamiflu à cause de la crainte de ses effets secondaires dangereux. Rabian, quatrièmement, عدد الحجاج في الماضي كان يتراوح بين المليونين والنصف والثلاثة ملايين. Le nombre de pèlerins dans le passé variait entre 2,5 millions et 3 millions. يأتون من كل نواحي العالم, qui venait de toutes les régions du globe, من أكثر من 160 دولة, à partir de plus de 160 pays. ويبقون في نفس المكان لمدة أسبوعين تقريبا. Et ils restent ensemble dans le même lieu pendant deux semaines approximativement. ولهذا يصعب اتخاذ قرار بمنع هذه التظاهرة. Raison pour laquelle il est très difficile de prendre une décision pour interdire cette manifestation de pèlerinage لشيئين اثنين, pour deux raisons majeures. الأولى الثقل الديني للحج. Le premier, c'est le poids, la lourdeur du poids religieux du pèlerinage. Et le deuxième, الثقل الاقتصاد العالمي للحج. Le poids économique mondial du pèlerinage. فالحج يمثل أكثر من 10 مليار أورو. Le pèlerinage constitue son budget, son enveloppe budgétaire représente à peu près plus que 10 milliards d'euros. يعني أكثر من 110 مليار درهم مغربي. C'est-à-dire plus que 110 milliards de dirhams marocains. ففي فرنسا فقط تمثل ميزانية الحجاج أكثر من 120 مليون أورو. Seulement en France, le pèlerinage représente un gain de 120 millions d'euros. منع الحج يعني خسارة لشركات الطيران. Interdire le pèlerinage signifie une lourde perte pour les compagnies aériennes. ووكالات الأسفار, pour les agences de voyage. وللفنادق وللتجار إلى آخره. Une lourde perte pour les hôtels, pour les commerçants, etc. فمن يستطيع إذن أخذ قرار منع الحج وخصوصا في هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة. Donc qui peut-il prendre là cette lourde décision d'interdire le pèlerinage et surtout à notre ou pendant cette crise mondiale économique. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله. À la fin je vous recommande à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, serviteur de Dieu, بعد هذه المقدمة وبعد هذه المعطيات, après cette introduction, après ces données, ما العمل؟ Que faire في فرنسا, surtout en France, pour nous, que faire؟ ماذا نعمل؟ الجواب, la réponse, هناك ثلاث طوائف, il y a trois groupes. الطائفة الأولى, le premier groupe, العجزة, المسنين, les personnes âgées, الأطفال, les enfants, النساء, الحوامل, les femmes enceintes, المرضى, المزمنين, les malades chroniques, نقول لهم, on leur dit, هناك شبه إجماع, il y a presque une unanimité, بين علماء المسلمين, entre les savants musulmans, يعني الأغلبية تقول أجلوا الحج للسنة القادمة. La majorité, presque la majorité des savants disent pour ces personnes de repousser le pèlerinage à l'année prochaine. Inch'Allah, si Dieu le veut. الطائفة الثانية, le deuxième groupe, ناس ليسوا من الطائفة الأولى, des gens qui ne font pas partie du premier groupe. لا مسنين ولا مرضى, qui ne sont pas des personnes âgées et qui ne sont pas des malades chroniques. وكانت لهم نية الحج في هذه السنة, et ils avaient l'intention ferme d'accomplir le pèlerinage cette année. ولكن خافوا من عواقب انفلونزا الخنازير في الحج, mais ils ont peur des conséquences de la maladie de la grippe porcine au pèlerinage. وبدأوا يفكرون في تأجيل الحج للسنة القادمة. Et ils ont commencé à repousser, l'idée leur est venue de repousser leur pèlerinage à l'année prochaine. أقول لهم, je leur dis, رأيكم موافق لمفتي السعودية ولمفتي مصر. Je leur dis, votre opinion, votre avis, votre idée est en accord, en plein accord avec le mufti de l'Arabie Saoudite et avec le mufti de l'Égypte et conforme à l'avis de plusieurs autres savants. Le pèlerinage est conditionné par la capacité. Yani siha, ça veut dire avoir une bonne santé, al-mal, avoir l'argent nécessaire, wal-amn, et la sécurité. يعني ضد الوباء او الحروب la sécurité contre les épidémies ou bien les guerres. والان هناك احتمال للوباء. Maintenant il y a une possibilité d'une épidémie. بمعنى الحاج لا يستطيع لانه يخاف من المرض. صدر le pèlerin a peur. Il n'a pas la possibilité parce qu'il a peur de la maladie. وفي الاسلام هناك ما يسمى بالاحصار. En islam il y a une chose qui s'appelle al-ihsar, c'est-à-dire l'interdiction, l'empêchement. اذا كانت هناك حرب او مانع, dans le cas où à côté de la Mecque il y a une guerre ou il y a un empêchement, فليؤجل الحاج الحج للسنة القادمة. L'islam dit tout simplement que le pèlerin a la possibilité ou doit repousser le pèlerinage pour l'année à venir. ويمكن في هذه السنة نظرا للظروف الحالية. Et il est possible pendant cette année, vu les conditions citées, يعني la grippe, المرض, أن نتبع المذهب الشافعي. Qu'on suive le rite shafi'ite. الذي يقول بأن فرض الحج على التراخي وليس على الفور. Le rite shafi'ite dit que accomplir l'obligation du pèlerinage n'est pas pour de suite, mais quand on a la possibilité ou quand on a le temps. وهذه رحمة الإسلام, et ceci montre la clémence ou la miséricorde en islam. وعندنا دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. On a encore un argument qui vient d'une parole du prophète صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم به, si vous entendez parler d'elle, يعني la peste, الطاعون, بأرض فلا تقدموا عليه, si vous entendez parler d'elle, comme quoi dans tel pays il y a la peste, ne voyagez pas vers ce pays. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans le cas où la peste arrive ou touche un pays dans lequel vous résidez, ne quittez pas le pays pour le fuir ou pour la fuir, c'est-à-dire la peste. Un autre ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas propager la maladie. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa rubba wa yumkin al-qiyas qiyas at-ta'un bi hadha al-marad idha sara waba'an. Il est possible de faire une analogie entre la peste et cette maladie dans le cas où elle se transforme en une épidémie. Wa rubbama yaqulu ahadun idha mit qabla al-hajj fi as-sana al-qadima. Quelqu'un peut se poser la question, et mon frère, si je meurs avant l'année prochaine, je dis, les actions ne valent que par leur intention. Tu dois laisser comme testament à tes héritiers l'ordre d'accomplir le pèlerinage à partir de ton héritage. De la somme que tu laisses, on enlève de quoi payer quelqu'un pour faire le pèlerinage à ta place. Et ceci est permis chez les quatre écoles, les quatre rites. Parce que tu as l'excuse, mon frère ou ma soeur, pendant cette année. Le troisième groupe, ناس ليسوا من الطائفة الأولى لا مسنين ولا مرضى. Des gens qui n'appartiennent pas au premier groupe, qui ne sont ni personnes âgées ni malades. وكانت لهم نية الحج في هذا العام, et ils avaient l'intention ferme pendant cette année d'accomplir le pèlerinage. ولن يغيروا نيتهم, et ils ne vont pas changer leur intention. لا فائدة من إقناعهم, ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre. فهم لا يخافون المرض, ils n'ont pas peur de la maladie. أقول لهم, je leur dis, رأيكم موافق لعلماء مثل الشيخ القرضاوي. Je leur dis, votre opinion, votre avis est bien conforme à celui de Cheikh al-Qardawi ou à d'autres savants. Barakallahu fikum. Que Dieu vous bénisse. Wa hafidhakum Allahu min kulli su. Et que Dieu vous préserve de tout mal. Wa la tansawna min ad-du'a fi al-ard al-muqaddasa. Et ne nous oubliez pas de vos prières lorsque vous serez dans la terre sainte ou sur la terre sainte. Wa lakin u'tikum ba'd an-nasa'ih. Mais je vous donne quelques petits conseils. حاولوا أن تشتروا التذكرة في آخر لحظة. Essayez d'acheter le billet à la dernière minute, c'est-à-dire قبل آخر أجل بأيام, c'est-à-dire quelques jours avant le dernier délai. فممكن أن تتطور الأمور ويكثر الموتى. Il est possible que la situation va changer négativement, le nombre de morts va augmenter. وتمنع بعض الدول الحج كمصر, et quelques pays vont interdire le pèlerinage comme l'Égypte. وستتبعهم فرنسا. Et la France va les suivre, va suivre ces pays qui vont interdire le pèlerinage. وربما لن ترد لكم وكالات الأسفار أموالكم. Et il se peut que les agences de voyage ne vont pas vous rembourser ce que vous avez donné. Donc attendez la dernière minute. لا تنسوا القيام باللقاح العادي الموسمي ضد الانفلونزا. N'oubliez pas de vous faire vacciner le vaccin normal saisonnier contre la grippe ordinaire. سيكون موجودا ابتداء من يوم الجمعة. Ce vaccin sera prêt dans les pharmacies à partir de ce vendredi. ولا تنسوا حمل القناع. N'oubliez pas de porter le masque. واحترام توصيات الأطباء. N'oubliez pas de suivre à la lettre les recommandations des médecins. ووفقكم الله. Et que Dieu vous aide. أخي أختي, frère, sœur, رأيت الذي يؤخر الحج حتى يسن. Avez-vous vu le sort de celui qui retarde le pèlerinage jusqu'au point de devenir âgé? فيصيبه المرض, et il est touché par des maladies chroniques, parce qu'à partir de 40 ans, les maladies chroniques commencent à attaquer. فلا يستطيع الحج, et il ne peut pas par la suite faire le pèlerinage. أو تأتي أمور غير منتظرة, ou bien des choses inattendues arrivent, كالحرب, comme la guerre, أو المرض, ou la maladie, فتمنعه. Et ces choses lui interdisent le pèlerinage. لهذا كنا ننادي في السنين الماضية بالحج وعدم التهاون به. Raison pour laquelle nous avons appelé et encouragé dans les années passées à faire le pèlerinage et à ne pas le négliger. وفي الأخير, et à la fin, أشكركم باسمي إخوة مسجد ستراسبورغ. Je vous remercie au nom des frères de la mosquée de Strasbourg. فقد أعطيتم في الأسبوع الماضي 14,000 أورو. Vous avez donné à cette mosquée dans la semaine passée 14,000 euros. جعلكم الله من عتقاء النار. Que Dieu fasse de vous des gens délivrés de l'enfer. لا زالت أضرفة موجودة عند الإدارة. Il y a toujours quelques enveloppes timbrées chez la direction de cette mosquée, vous pouvez les prendre. واليوم زارنا إخوة من ليوسان. Aujourd'hui, des frères à nous de la ville de ليوسان, جيران لنا, des voisins à nous, جاءوا يجمعون التبرعات لبناء المسجد. Ils sont venus pour collecter vos dons afin de construire une mosquée dans la ville de ليوسان. فلا تحرموا أنفسكم من هذا الأجر. Ne vous privez pas de ce salaire. فعلامة قبول رمضان هو المداومة على الطاعات والخيرات بعد رمضان. Le signe de l'acceptation par Dieu, de la validation par Dieu de notre jeûne, c'est le fait de continuer à faire des bonnes œuvres et des adorations et des obéissances à Dieu après le mois du Ramadan. وفقنا الله جميعا للخير. Que Dieu nous aide tous à accomplir le bien. اللهم إني داعٍ فأمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, ارفع الوباء وارفع الأمراض عن عبادك المسلمين. اللهم نجنا من هذا الوباء, اللهم نجنا من هذا الابتلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين, أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.